4. L'évasion. Après nombre d'édits et d'appels à la fidélité de la bonne ville de Paris, les deux prisonniers s'étonnèrent enfin de ne voir poindre aucune émotion populaire et de se réveiller toujours dans la même situation. Spifam attribua ce peu de succès à la surveillance des ministres et Vignet à la haine constante de Mélin et de Dubellay. L'imprimerie fut fermée quelques jours. On rêva à des résolutions plus sérieuses. On médita des coups d'État. Ces deux hommes, qui n'eussent jamais songé à se rendre libres pour être libres, ourdirent enfin un plan d'évasion, tendant à dessiller les yeux des Parisiens et à les provoquer au mépris de la Sophoniste de Saint-Gelais et de la Franciade de Ronsard. Ils se mirent à desceller les barreaux par le bas, lentement, mais faisant disparaître à mesure toutes les traces de leur travail. Et cela fut d'autant plus aisé qu'on les connaissait tranquilles, patients et heureux de leur destinée. Les préparatifs terminés, l'imprimerie fut rouverte. Les libelles de quatre lignes, les proclamations incendiaires, les poésies privilégiées firent partie du bagage, et vers minuit, Spifam, ayant adressé une courte mais vigoureuse allocution à son confident, ce dernier attacha les draps du prince à un barreau resté intact. Il glissa le premier et releva bientôt Spifam, qui, aux deux tiers de la descente, s'était laissé tomber dans l'herbe épaisse, non sans quelques contusions. Vignet ne tarda pas dans l'ombre à trouver le vieux mur qui donnait sur la campagne. Plus agile que Spifam, il parvint à en gagner la crête, étendit de là sa jambe à son gracieux souverain, qui s'en aida beaucoup, appuyant le pied au reste des pierres descellées du mur. Un instant après, le Rubicon était franchi. Il pouvait être 3 heures du matin quand nos deux héros en liberté gagnèrent un fourré de bois, qui pouvait les dérober longtemps aux recherches. Mais ils ne songeaient pas à prendre des précautions très minutieuses, pensant bien qu'il leur suffisait d'être hors de captivité pour être reconnus, l'un de ses sujets, l'autre de ses admirateurs. Toutefois, il fallut bien attendre que les portes de Paris fussent ouvertes, ce qui n'arriva pas avant 5 heures du matin. Déjà la route était encombrée de paysans qui apportaient leurs provisions au marché. Raoul trouva prudent de ne pas se dévoiler avant d'être parvenu au cœur de sa bonne ville. Il jeta un pan de son manteau sur sa moustache et recommanda à Claude Vignet de voiler encore les rayons de sa face apollonienne, sous l'aile rabattue de son feutre gris. Après avoir passé la porte Saint-Victor et côtoyé la rivière de Bièvre, en traversant les cultures verdoyantes qui s'étalaient longtemps encore à droite et à gauche, avant d'arriver aux abords de l'île de la Cité, Spifam confia à son favori qu'il n'eût pas entrepris certes une expédition aussi pénible et ne se fût pas soumis par prudence à un si honteux incognito s'il ne s'agissait pour lui d'un intérêt beaucoup plus grave que celui de sa liberté et de sa puissance. Le malheureux était jaloux. Jaloux de qui ? De la duchesse de Valentinois, de Diane de Poitiers, sa belle maîtresse, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs jours, et qui peut-être courait 1000 aventures loin de son chevalier royal. « Patience, dit Claude Vignet, j'aiguise en ma pensée des épigrammes martialesques, qui puniront ces deux conduites légères. Mais votre père François le disait bien, souvent femme varie. » En discourant ainsi, il avait pénétré déjà dans les rues populeuses de la rive droite, et se trouvèrent bientôt sur une assez grande place, située au voisinage de l'église, des Saints-Innocents, et déjà couverte de monde, car c'était un jour de marché. En remarquant l'agitation qui se produisait sur la place, Spifam ne put cacher sa satisfaction. « Ami, dit-il, tout occupé de ses chaussures qui le quittaient en route, vois comme ces bourgeois et ces chevaliers s'émeuvent déjà, comme ces visages sont enflammés d'ire, comme ils volent dans la région moyenne du ciel des germes de mécontentement et de sédition. Tiens, vois celui-ci, avec sa pertuisane. Oh, les malheureux qui vont émouvoir des guerres civiles! Cependant pourrais-je commander à mes arquebusiers de ménager tous ces hommes innocents, aujourd'hui parce qu'ils secondent mes projets, et coupables demain parce qu'ils méconnaîtront peut-être mon autorité. Mobile vulgus, dit Vignet.